Je peux m'arrêter à droite si un de mes passagers fait un malaise. Réponse A. Si mon véhicule est en panne. Réponse B. Pour téléphoner. Réponse C. Pour admirer la vue. Réponse D.